قال المؤلف شيخ الإسلام والمسلمين إمام الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'Ibn Abbas un hadith dont le sens est proche au précédent. Certaines personnes ont dit « telle et telle étoile a été véridique ». Allah révéla alors les versets suivants. « Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament jusqu'au verset de traiter le Coran de mensonge. » Donc, l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous dit « Walahuma min hadith ibn Abbas » Donc, tous deux rapports, c'est-à-dire l'imam Bukhari et l'imam Muslim. En réalité, le hadith n'est pas dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il n'est que dans le recueil de l'imam Muslim. Donc, suite à la tombée de la pluie, certaines personnes ont attribué cela aux étoiles en tant que cause. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous dit « Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim » إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Non, je jure par les positions des étoiles. Donc ici, il y a « fala uqsimu ». Donc est-ce que c'est une négation ou une affirmation? En réalité, c'est une affirmation pour appuyer. C'est une affirmation qui a pour but d'appuyer ce qui va être cité ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut de ses créatures. Mais le serviteur, lui, n'a pas le droit de jurer si ce n'est pas le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme. Donc, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim » Et c'est vraiment un serment solennel si vous savez. « Innahu la Qur'anun karim » Et c'est certainement un Qur'an noble « Fi kitabim maknun » Dans un livre bien gardé. Le Qur'an « Wusifa bi annahu karim »« Kathirul ata' » C'est un Coran qui est noble, qui nous apporte beaucoup de bien. Fi kitab maknoun, ay mahfoub. Ay mahfoub. Ensuite, on nous dit dans un livre préservé, bien gardé. Les savants ont divergé sur ce qui était voulu par cela. Certains ont dit « Ay fil lawh il mahfouz » c'est-à-dire dans les tablettes préservées sur lesquelles le destin fut ou a été inscrit. « La yamassuhu illa al-mutahharu » La yamassuhu illa al-mutahharu. Que seuls les purifiés touchent. Tanzilu min rabbil alamin. La révélation du Seigneur des mondes. Afabihada al-hadithi antum mudahinun. Est-ce de ce discours-là que vous traitez de mensonge? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont démenti. C'est avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous affirme avant cela que le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni celle de Jibril, mais c'est la révélation du Seigneur des mondes. L'a fait entendre à Jibril alayhi salam, qui lui l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on tire de ce verset également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des mondes. On tire de ce verset également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des mondes. Afa bihadha al-hadith ay al-Qur'an antum mudahinun ay khaifun wa tastakhifun. Est-ce donc de ce discours, c'est-à-dire du Qur'an, que dont vous avez peur? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de le traiter de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? أَيْتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمَطَارِ أَوْ أَحَدِهِمَا أنكم تكذبون بنسبة المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, ou bien réprimande ceux qui se montrent ingrats envers ses bienfaits, que ce soit le Coran ou que ce soit la pluie. Comment est-ce qu'ils se sont montrés ingrats envers la pluie qu'Allah azza wa jalla a fait descendre en disant: il a plu grâce à telle ou telle étoile. Wa huwa shahid min irad ma awrad al mu'allif rahimahullah ta'ala huna. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ici les compagnons, nous racontent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la tombée de la pluie, a saisi cette occasion pour leur enseigner encore une fois de plus la croyance authentique et tawhid, et pour corriger des mauvaises compréhensions qu'il y avait dans la période anti-islamique. Et parmi ces mauvaises choses, ou plutôt les gens se divisent en deux lors de la tombée de la pluie, ceux qui se montrent reconnaissants en disant il a plu grâce à Allah, et ceux qui se montrent ingrats en disant il a plu grâce à telle ou telle autre étoile. On tire de ce hadith l'interdiction de dire qu'il a plu grâce à telle ou telle étoile. Mashru'iyyatu ta'lim an-nas wa tanbihihi 'ala ma yukhillu bil 'aqidah. On tire de ce hadith le caractère légiféré d'enseigner aux gens et d'attirer leur attention sur ce qui peut nuire à la croyance authentique. وجوب شكر الله عز وجل على نعمه. L'obligation de se montrer reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يجوز إضافة النعم إلى غيره. Et qu'il n'est pas permis d'affilier ou d'attribuer les bienfaits d'Allah azza wa jal à autre que lui. إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب. On tire également de ce hadith une façon d'enseigner, c'est-à-dire les questions-réponses. L'enseignant questionne les élèves et les élèves cherchent la réponse. Il y a de nombreux hadiths montrant cela. Même dans le cas où tu sais que l'élève ne connaît pas la réponse. Même dans le cas où tu sais que l'élève ne connaît pas la réponse, tu le questionnes afin qu'il cherche. Par la suite, tu lui donnes la réponse et tu verras qu'il comprendra mieux et retiendra plus. Le fait de dire Allahu A'lam lorsque tu ignores une chose. La tatakallaf. Ne prends pas au-dessus de ta responsabilité. Même si les gens sont insolents, même si les gens insistent, même si les gens te forcent à répondre, même s'ils te disent c'est urgent, même s'ils te disent j'ai appelé tout le monde, il ne reste que toi. Al-Mufti, Al-Alim, طالب العلم ومن علم شيئا عليهم أن ينقذوا أنفسهم قبل سائل. Retenez cela. Le mufti, le savant, l'étudiant et toute personne ayant une science doivent sauver leur propre personne avant de sauver les autres et ceux qui les questionnent. C'est compris? Donc lorsque la personne vient te questionner, elle veut un bien pour elle-même. Est-ce que toi tu vas tomber dans un mal pour l'aider elle? Est-ce que toi tu vas rentrer en enfer pour la sauver elle? Là. Si tu parles dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, tu commets le pire péché. Donc si tu ne sais pas, dis avec toute simplicité, je ne sais pas. Ou dis Allahu A'lam. Même si les gens te questionnent et insistent et reviennent et reviennent et reviennent. Abil Munasaba, Adhkuru lakum qissatan hasala li imam al-Sha'bi rahimahullahu ta'ala. Anna unasan ja'u ilayhi wa sa'aluhu 'iddata masa'il. Faqala fi mu'dhamiha Allahu a'lam. Faka'anna talabatah وجدوا في أنفسهم شيئا وتفطن إلى ذلك الشعبي رحمه الله تعالى فلما انصرف القوم قال لتلاميذه ما بكم فقالوا يا شيخ سألوك فلم تجب فأخبروه بأنهم وجدوا شيئا في أنفسهم فقال لهم الإمام وهل استحيت الملائكة لما قال الله سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء أن يقولوا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. Donc l'imam al-Sha'bi rahimahullah ta'ala a reçu une délégation et lui était en présence de ses élèves. Des gens l'ont questionné et lui ont posé plusieurs questions et il répondait ainsi Allahu a'lam. C'est un grand savant. On le questionnait, il répondait Allahu A'lam. Deuxième question, Allahu A'lam. Troisième question, Allahu A'lam. Il a répondu à peut-être quelques questions et pour la plupart, il répondait je ne sais pas. Allahu A'lam. C'est alors que ses élèves, c'est comme s'ils ont eu honte. Ils se sont sentis mal devant les étudiants qui étaient venus questionner leur cheikh. Vous avez compris la situation? En d'autres termes, ce grand savant qui est notre cheikh, ne répond pas à toutes ces questions et dit Allahu A'lam, Allahu A'lam. Les gens vont penser qu'il n'a pas beaucoup de science. Ce savant a compris ce qu'ont ressenti ses élèves. Lorsque les questionneurs sont partis, l'imam a demandé à ses élèves, que vous arrive-t-il? Alors ils lui ont expliqué. Il les a éduqués en leur disant, et est-ce que les anges ont eu honte de dire, nous n'avons aucune science si ce n'est ce que tu nous as enseigné? Dans le passage de Sourate al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit aux anges, informez-moi du nom de toute chose, après avoir créé Adam alayhi salam. Les anges ont répondu, sans avoir honte, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons aucune science, nous ne connaissons rien, sauf ce que tu nous as enseigné. Les anges. Créature d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas eu honte de dire cela. Sahih. Donc ça c'est une tarbiyah. Ça, c'est une éducation. Ne dis pas, mais ils vont dire, j'ai pas de science. Ou, il ne faut pas étudier auprès de lui, il ne connaît pas, ou akada, ce genre de parole. Anta tuballigh al-ilm lillah azza wa jalla, li ajli an-nas. Toi, tu transmets la science pour Allah azza wa jalla, pas pour les gens. S'il y a deux personnes devant toi, tuballigh al-ilm. S'il y a 100 personnes devant toi, tuballigh al-ilm. S'il n'y a pas assez de place dans la mosquée et que les gens attendent aux portes, tuballigh al-ilm. Hakada. Qu'il y ait une personne, deux personnes, 100 personnes. Est-ce qu'on va changer nos durous? Là, toi tu dois enseigner pour Allah Azza wa Jal. On a vu de nos propres yeux des assises de science, de grands savants, de renommée mondiale, où il n'y avait même pas la moitié de ce qu'on voit devant nous. Et parmi ceux qui nous ont enseigné, il y a moins de personnes devant eux que devant nous. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on connaît mieux qu'eux ou de choses? Là. C'est un ibtila, c'est une épreuve pour voir ce que tu es véridique ou pas. Ahlul bid'ah, hum alladhina yahtamuna jiddan bil 'adad wal kathra wa hadhihi al-umur. Les gens de l'innovation, eux, sont ceux qui prêtent énormément attention à cela, aux chiffres. Hein? Et ils changent leur discours pour avoir du monde et font des nouvelles choses pour attirer le monde, même si ça contredit ad-din. Al-muhim, lorsque tu ignores une chose, dis Allahu A'lam. Et si tu sais que tu as un doute, dis je vais réviser ou je vais poser la question. Hakada. Bikulli suhula. Barakallahu fikum. Ça c'est très important. Il se peut même que des gens parlent sur toi parce que tu réponds pas. Ça m'est personnellement déjà arrivé qu'un frère vient, pose une question et je lui dis Allahu A'lam, je ne sais pas. Puis il insiste et il développe sa question. Je dis Allahu A'lam. Puis il continue. Je lui dis que tu ajoutes des informations ou pas, ma réponse restera la même. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, puis il n'est plus venu au cours. Par la suite, un frère m'a appelé, il m'a dit que le frère était en colère. Je dis qu'il se mette en colère ou pas, je ne vais pas parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Quelques mois après, il est revenu, il s'est excusé, et ainsi de suite. À la kulli hal, on doit avoir peur de répondre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba, lorsqu'ils étaient questionnés, disaient, va voir un tel. Tu vas aller voir la deuxième personne, ils disaient, va voir un tel. Tu vas aller voir la troisième personne, ils disaient, va voir un tel. Au final, tu es arrivé à la première personne que tu as questionné. Hein? Et le frère Saad, qui fait cours le samedi, wafakahullah, al-Madin, un jour, est parti voir Cheikh Abdurazak al-Badr, qui est un savant, connu de tous. Il lui a posé une question et non loin de lui, il y avait son père, Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, qui est le plus grand savant de Médine. Cheikh Abdurazak, alors que c'est un savant, lui a dit, va poser la question à Cheikh. Vous avez compris? Donc il lui a dit, va poser la question à Cheikh. Et Sadak s'est cru plus malin que les autres. Comme il y avait beaucoup de monde autour de Abdel Mohsin, Hafdahullah Ta'ala, il est parti voir Cheikh Abdel Abbad en espérant avoir sa réponse. Le Shir l'a éduqué, il lui a dit, va poser la question. C'était une question dans la spécialité de Shir Abdul Razzaq. Après, il a dit, oui, mais Shir, c'est une question, la aqida wa kada. Et il lui a dit, la aqida wa al-fiqh wa tad. Et il lui a cité plein de sciences, il lui a dit, tout ça, ça se trouve auprès de Shir Abdul Mohsin. Hein? N'essaye pas de faire droite-gauche. Tout ça, ça se passe auprès de Shir Abdul Mohsin. Ça, c'est une tarbiya. Ça, c'est une tarbiya. Aujourd'hui, tu peux assister à une assise avec des savants. Tu poses la question au shir, et c'est ceux qui sont à côté qui répondent. Et le shir est présent. Hein? Ça, je l'ai vu, il y a de cela quelques heures. Hein? Allah Azza wa Jal nous a facilité une assise avec un shir. Et on discutait avec le shir, on posait des questions, et par moments, et c'est involontaire, c'est l'habitude. Hein? Comme tu vis dans un endroit où il n'y a pas de savants, tu dois prendre certaines responsabilités. Donc les frères, certains frères répondaient. Hein? Et le shir, yani, n'avait pas le temps par moment de répondre. Wallah musta'an. On tire également de ce hadith et du précédent que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmah wal-fadl. On tire également que parmi la mécréance, une part ne fait pas sortir de l'islam. Al-kufru al-asghar. Al-kufru al-asghar. Donc ce qu'on retiendra de ce chapitre est que la pluie est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous faut l'attribuer à son créateur, son propriétaire et celui qui nous en a fait don. Cela est le tawhid. Le chapitre suivant, باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الآية. Donc nous entrons dans le chapitre numéro 30. Certaines personnes me disent en combien de temps on va finir le livre, combien de temps ça prend pour étudier Kitab Tawhid. Moi, faut pas me poser ce genre de questions. تحب العلم تريد العلم تعالى اجلس. Tu veux du temps, tu veux du chiffre, va dans une autre assise. La fuma d'al-kalam, c'est clair ou pas? Amma, on se presse pour finir un livre, et ensuite on va dire aux gens, on a étudié tel livre, tel livre, tel livre, c'est pas ça l'ilm. El-ilm khashiyatullah. La science, c'est ce qui va faire de toi une personne pieuse. La science, c'est ce qui va faire de toi que tu t'éloignes des péchés. Tu peux étudier tous les livres, et t'asseoir auprès des meilleures personnes. Si tu ne deviens pas pieux, ma indaka ilm. Nafi'a. Musimir. Tu n'as pas de science. Celui qui apprend, qui étudie, son seul but c'est de finir les livres et de dire j'ai étudié, cette personne aura perdu son temps. Cette personne aura perdu son temps. On espère en Allah Azza wa Jal mettre en pratique ce qu'on lira de Kitab al-Tawhid. On espère en Allah subhanahu wa ta'ala étudier ces chapitres jour après jour, les mémoriser, les mettre en pratique, les transmettre. On espère en Allah tabaraka wa ta'ala le rencontrer en ayant at-tawhid, loin de tout shirk. Ça c'est ce qu'on espère. Si ça prend un an et demi, deux ans, alhamdulillah. Si ça prend 10 ans, alhamdulillah. المهم أن تلقى الله سبحانه وتعالى موحدا. Ce qui compte c'est quoi? C'est que tu rencontres Allah Azza wa Jal يوم القيامة avec التوحيد. Avec التوحيد. Et si Allah Azza wa Jal avait voulu, il aurait révélé le Coran en une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a révélé progressivement en 23 ans. Donc le chapitre numéro 30 à propos de la parole d'Allah parmi les hommes et parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Tatimmatu idhan hadhihi aw hadha ba'du ayati أو آية في سورة البقرة موضوعها المحبة وتتمة الآية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Donc c'est un bout d'un verset de sourate al-Baqara. Vous prenez le verset 165 et vous complétez lorsque vous mettrez au propre votre cours, si vous avez un cours, et si vous mettez au propre vos cours. L'auteur ici va nous parler des adorations du cœur, de ce qui fait bouger le cœur. Et il commence par al-mahabba, il commence par l'amour, car c'est la base de l'islam, c'est la base du din, c'est la base de la foi, c'est la base du tawhid. C'est ce qui fait bouger le cœur du serviteur vers Allah Azza wa Jal, qui le pousse à lui obéir, et à chercher son agrément. Munasabatul Bab li Kitab at-Tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre sur l'amour dans son livre Kitab at-Tawhid? لأن المحبة أصل الدين وبكمالها كمال التوحيد وكمال دين الإنسان وبنقصها نقص في التوحيد وفي دين الإسلام. L'auteur a cité ce chapitre car l'amour est la base de la religion de l'islam. Et avec la perfection de l'amour d'Allah, il y a la perfection du tawhid et de la religion. Et lorsque tu as des manquements dans l'amour que tu portes à Allah Azza wa Jal, tu auras des manquements dans ta religion et dans ton tawhid. Aussi, l'auteur a cité ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, car certaines personnes ont aimé autre qu'Allah comme ils ont aimé Allah. Ils sont donc tombés dans quoi? Na'am. Ashirkul Akbar. Alors l'auteur nous montre que al-Mahabba tanqasim. Il y a plusieurs types d'amour et tu dois prendre garde à quoi? Au fait d'aimer Allah et d'aimer autre qu'Allah comme tu aimes Allah. Wadah? Na'am. Donc ces chapitres sont très importants. Car comme vous le savez tous, la chose la plus importante sur l'homme, c'est quoi? C'est son cœur. Ala inna fil jasad mudra, idha salahat salahat jasad kullu, wa idha fasadat fasad al jasad kullu, ala wa hiya al qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon et sain, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Donc ici, l'auteur va nous parler des adorations du cœur. المحبة لب العبودية وروح الإيمان وهي تحرق الجوارح إلى طاعة الله. L'amour d'Allah Azza wa Jal, comme le disent les savants, est l'essence même de la foi et de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est l'âme de l'adoration et ce qui te fait bouger vers l'adoration et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de chaque, c'est le pilier de chaque adoration. Ici, l'étudiant doit savoir une chose très importante. C'est que l'amour est de plusieurs types. Pour pouvoir concrétiser le tawhid et t'éloigner du shirk, il te faut comprendre cela. Al-mahabbatu anwa. Quant à la définition de l'amour, l'amour, on ne le définit pas. Pourquoi? Car c'est connu de tous. Et lorsqu'un sens est très clair et évident, le définir ne peut que lui ajouter de la difficulté, c'est-à-dire dans la compréhension. Mahabba hiya al-mahabba. Premièrement, mahabbatun hiya ibadah. Premièrement, l'amour qui entre dans l'adoration. Premièrement, l'amour qui est une adoration. Hiya allati takun ma'a tamami adh-dhull wal khudu' wa at-ta'zim. Donc premièrement l'amour adoration. C'est l'amour qui est accompagné de la perfection de l'humiliation et de l'immensification, c'est-à-dire la considération, le respect, la vénération. Donc c'est un amour qui est accompagné d'une humiliation. Aussi, la personne qui porte cet amour se montre obéissant envers son bien-aimé. Il fait tout pour lui obéir et chercher son agrément. Il l'aime en espérant ce qui se trouve auprès de lui et redoute le fait de s'éloigner de lui. Cet amour-là, que l'amour qui est accompagné de l'humiliation, du plus grand respect et du fait d'obéir à tous les ordres et de s'éloigner de la désobéissance, cet amour qui fait que tu fais devancer les ordres de ton bien-aimé aux ordres des autres, c'est un amour adoration. Wa huwa haqqun lillah. C'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Celui qui donne cet amour à un autre qu'Allah Azza wa Jal sera tombé dans quoi? Ash-shirkul akbar. Dans le polythéisme majeur. A'adhan Allah wa iyyakum. Donc vous retenez cela. C'est un amour qui est accompagné d'humiliation et la personne se montre obéissante et fait tout pour chercher l'agrément de l'être aimé. Deuxièmement, al-mahabbatu ma'allah. Le fait d'aimer avec Allah. Hada shirkun akbar. Le fait d'aimer une créature, tout comme tu as aimé Allah. Ceci a pour jugement al-shirkul akbar. وَهِيَ مَحَبَّةُ الْمُشْرِكِينَ لِآلِهَتِهِمْ. C'est l'amour des associateurs envers leur fausse divinité. C'est la pire forme de shirk. مَحَبَّةُ أَمَاذَا الْمَخْلُوقِ مَعَ اللَّهِ. Le fait d'aimer une créature avec Allah, comme on aime Allah, d'un amour adoration, c'est la pire forme de shirk. Car de cela découlera un grand nombre d'actions ou de formes de polythéisme. Car celui qui aime, il s'humilie. Celui qui aime, obéit. Celui qui aime, craint. Celui qui aime, désire. Celui qui aime, wahakad. Celui qui aime va sacrifier pour l'être aimé, et ainsi de suite. On parle de l'amour, adoration. C'est pour ça que les associateurs, après avoir aimé les fausses divinités, ils ont égorgé pour elles. Ils ont eu peur d'elles. Ils ont espéré, et ainsi de suite. Ils ont donné beaucoup d'adoration. Troisièmement, al-mahabbatu tabi'iyya, l'amour qu'on qualifiera de naturel. L'amour naturel. Qui a un exemple? L'amour pour ses enfants. Et pour avoir des enfants, il faut quoi? Une femme. L'amour pour ses parents. Le jeudi, quelle sunnah faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il jeûnait. L'amour de la nourriture. L'amour du parfum, et ainsi de suite. Donc, c'est un amour qui est naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wa an-nisa. Rawi Ahmad wa Hassanahu al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il m'a été donné d'aimer de votre dunya de ce bas monde, le parfum et les femmes. C'est un amour naturel. Il nous dit également qu'il aimait, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait également, al-halwa wal-asr. Il aimait les sucreries et le miel. Tu peux aimer les voitures, tu peux aimer belle maison, et ainsi de suite. C'est un amour qui est naturel. Donc tout ce qui a un rapport avec la dunya, on pourra le rentrer dans cela. Des savants ont divisé encore plus, en mettant dans al-mahabbatu tabi'iyya, dans l'amour naturel, les choses de dunya, comme la nourriture, la boisson, les femmes, les voitures, l'argent, ainsi de suite. Et ils ont dit par la suite, al-mahabbatu l'ishfaq, wal-rahma, l'amour qui est dû à la miséricorde, la compassion, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. L'amour des parents pour leurs enfants. Kama habbatil walid li walidi. Ou li waladi afwan. Ensuite, mahabbatul ijlal, l'amour qui est dû au respect. C'est le contraire. Mahabbatu al waladi li walidi. Comme l'amour de l'enfant envers son père. C'est un amour, il y a un grand respect. Le contraire, c'est un amour, il y a une grande miséricorde, de la compassion, de la pitié. Donc la base dans ce que nous avons cité par la suite, c'est-à-dire al-mahabbatu tabi'iyya, al-ishfaq wa al-ijlal, donc l'amour naturel, l'amour où il y a de la pitié, comme l'amour de nos enfants, ou l'amour où il y a un respect comme l'amour des parents. La base dans ces formes d'amour, c'est al-ibaha, c'est que c'est permis. D'accord? C'est permis. Ça peut devenir muharram dans le cas où cet amour te pousse à dépasser les limites d'Allah, outrepasser les limites d'Allah. Donc si cet amour qui est à la base naturelle est permis, fait que tu tombes dans le haram, alors ça devient muharram. Est-ce que c'est compris? Quelqu'un qui aime par exemple ses enfants, il fait donc un riba, un prêt avec intérêt pour leur acheter une maison. Car s'il meurt, qu'est-ce qui va les entretenir? Et s'il meurt, et ainsi de suite. Hein? Ou bien, la personne aime ses parents, respecte ses parents, alors le père donne de l'argent à son enfant et lui dit, va m'acheter de l'alcool ou bien des cigarettes. D'accord? Ça coûte combien un paquet de cigarettes maintenant? Personne ne va vous accuser de fumer. 7 euros un paquet de cigarettes. Allahu Akbar, ajaib. Que les gens payent 7 euros pour prendre le risque d'avoir le cancer et nuire aux gens et sentir mauvais. Allahu Akbar. Donc elle lui donne 7 euros. Le père donne 7 euros. Et dit à l'enfant, va m'acheter des cigarettes. Le père aime, l'enfant aime son père et respecte son père. Est-ce qu'il va lui acheter les cigarettes? Ou bien est-ce qu'il fait devancer l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et s'excuse et dit qu'il ne peut pas l'aider dans le mal car il l'aime? Hakada. L'homme aime son épouse. Elle lui demande de lui acheter par exemple, car elle a les cheveux courts, une perruque, elle veut des cheveux longs. Ou bien des mèches, des faux cheveux. Ce que font les... Non, on n'a pas de problème, il y a beaucoup d'Africains dans cette cité. Non. Donc l'homme, il aime son épouse, et s'il ne lui ramène pas ce qu'elle veut, peut-être qu'elle va bouder, et ainsi de suite. Donc, il achète cela. Lui, à la base, était dans un amour naturel, permis. En faisant cela, il tombe dans le haram. Donc, vous retenez que la base dans l'amour naturel est la permission. Mais si ça pousse la personne à dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal, ça devient muharram. À l'inverse, cet amour naturel peut être une cause pour que le serviteur ait des hasanat. Par exemple, il aime manger et boire. Mais il va manger et boire pour se renforcer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc il fait une chose qui à la base est permise, mais à ce moment, de par son intention, il aura des récompenses. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit dans le Sharh al-Kitab Tawhid, qu'il entre dans une adoration. Il dit carrément qu'il entre dans une adoration. D'accord? D'autres exemples, par exemple, l'homme se marie, il a des rapports avec son épouse pour se préserver de faire cela dans le haram. Na'am. Un autre exemple, la personne est bienfaisant envers ses parents. Ça, c'est la mahabba naturelle. Mais il arrive à un niveau où il adore Allah Azza wa Jal à travers ses actions. D'accord? Donc il est bien faisant envers ses parents. Mais lorsqu'il fait cela, il veut se rapprocher d'Allah. À ce moment-là, il est dans une adoration. Donc il passe d'un amour naturel permis à une adoration qui est madha, dans laquelle il se voit récompensé. Il y a une forme d'adoration qui découle de l'amour d'Allah, qu'on appelle « al-mahabbatu fillah » ou bien « al-mahabbatu lillah », le fait d'aimer en Allah. Donc faites la distinction entre « al-mahabbatu ma'allah » ou « al-mahabbatu fillah ». Donc il y a l'amour avec Allah, c'est-à-dire d'aimer une créature comme tu aimes Allah, c'est du shirk akbar, et la pire des actions. Et il y a l'amour en Allah, le fait d'aimer les gens pour Allah. Ça, c'est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah Azza. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, قال الله تعالى أي سيقول يوم القيامة أين المتحابين في جلالي اليوم أظل في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله عز وجل صلى الله عليه وسلم nous dit que يوم القيامة Allah va appeler ses créatures en disant: où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui je vais les mettre sous mon ombre. Ce jour, il n'y aura donc d'autre ombre si ce n'est la mienne. C'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre encore les mérites de cet amour et nous dit: Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, qui donne pour lui et retient pour lui, aura complété sa foi. Donc le fait d'aimer pour Allah Azza wa Jal, c'est un des points qui ramène d'énormes récompenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça veut dire quoi aimer pour Allah, aimer en Allah? C'est-à-dire que tu aimes les gens pour leur piété. Pas car ils t'apportent un bien dans la dunya, parce qu'ils font partie de ta famille, parce que c'est des proches. Non, juste parce que cette personne obéit à Allah Azza wa Jal, tu l'aimes. C'est ce qu'on appelle al-mahabbatu fillah. C'est un des points les plus solides de la foi. En résumé, vous retenez qu'il y a mahabbatullah ruhul iman, le fait d'aimer Allah, c'est l'essence même de la foi. Deuxièmement, al mahabbatu ma'allah, c'est du shirk akbar. Puis al mahabbatu tabi'iyya, l'amour naturel. Puis l'amour naturel. Ensuite, tu peux diviser al mahabbatu fillah, mahabbatu al ishfaq wal rahma wal ijlal wa hakadha. Dans ce chapitre, de nombreuses personnes se sont égarées. وَوَفَّقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَهْلَ السُّنَّةِ لِلصَّوَابِ. Allah Azza wa Jal a accordé aux gens de la sunna le bon chemin. أَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ نُثْبِتُ الْمَحَبَّةَ مِنَ الْجِهَتَيْنِ فَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُحَبُّ. Donc, les gens de la sunna disent ce qu'Allah dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna. C'est-à-dire qu'on aime Allah et que Allah aime. Donc c'est un attribut qui est affirmé pour Allah, c'est un attribut qui est affirmé pour la créature. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'Allah a l'attribut de l'amour ou pas? Oui, Allah aime certaines personnes, certaines choses, certaines actions. Donc nous disons Allah aime. Sifatun fi'liyah la jalla wa ala. On affirme également l'amour du serviteur pour son Seigneur, sa divinité. Donc ça, c'est le juste milieu qui est en conformité avec les textes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah Azza wa Jal fera venir un peuple ou des gens qu'il aimera, donc il a affirmé son amour pour eux, et qu'ils aimeront. Il a affirmé l'amour des serviteurs pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? فَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُحَبُّ. Puis il y a ceux qui se sont égarés. Comme al-Jahmiya ba'd al-Asha'ira. قالوا الله لا يحب ولا يحب. تعالى الله عن ذلك. Al-Jahmiya et certains parmi la secte de l'Asha'ira ont dit: Allah n'aime pas et on ne l'aime pas. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Ils ont dit: Allah n'a pas l'attribut de l'amour. Il n'aime pas. Et nous, on ne dit pas qu'on aime Allah, que nous aimons Allah. Les savants disent suite à cela: Mais quelle adoration fera celui qui n'aime pas sa divinité? Quelle adoration va-t-il donner? Une adoration dépourvue d'amour. Allahu Akbar. Ils ont dit, en fait, on aime la récompense, on aime le paradis, on aime ces choses-là. Mais Allah, lui, non. On ne dit pas cela. Puis, donc ces gens-là se sont interdits le plus grand délice dans ce bas monde, mahabbatullah. Le plus grand délice dans ce bas monde, ces gens-là l'ont perdu de par leur mauvaise croyance. Et c'est la punition qu'Allah Azza wa Jalla donne à ceux qui s'éloignent du chemin des pieux prédécesseurs. Troisièmement, al-ash'ari ou aktharuhum قالوا يعني اثبتوا المحبه من جهه ومنعوها من جهه اخرى قالوا الله يحب ولا يحب الاشاعره en général on dit Allah nous l'aimons mais on ne dit pas qu'il aime. Donc ils ont renié cet attribut. Ils ont renié cet attribut. Donc tous les textes qui sont venus prouvant qu'Allah Azza wa Jal aime, ils les ont altérés. Ils ont fait ce qu'on appelle at-tahrif. Il y a aussi parmi ceux qui se sont égarés dans ce chapitre, les soufis. Certains ont tellement dépassé les limites que l'un d'entre eux dit, moi, je n'ai plus d'interdit. Parce que j'aime tellement Allah qu'il ne me châtiera pas. Hein? A'udhu billah. Certaines personnes tombent dans les interdits dans ce chapitre sans s'en rendre compte, et certaines personnes atteignent même le niveau du shirk. Comme Ahlul Ishq, Al-Ushaq, comment est-ce qu'on va dire ça en français? Il y a ceux qui sont tombés dans un amour extrême. Et un mot en français? Comment? Passionné. Par exemple, il y a une passion, mais mauferez pas. Il y a des hommes qui sont épris de femmes. D'accord? Qui les aiment à un point où si l'homme ne voit pas sa bien-aimée, tombe malade. S'il ne la voit pas un jour, par exemple, il tombe malade. D'accord? Il lui écrit des poèmes dans lesquels il y a du shirk. D'accord? Il fait tout ce qu'elle veut, même si pour cela elle doit mécroire en Allah Azza wa Jal et sortir de l'islam. Il ne peut vivre, si ce n'est Amada, en la voyant au quotidien, et ainsi de suite. D'accord? Et tu trouves dans des poèmes, des paroles, il y a du shirk akbar. Des choses qu'ils ne disent même pas pour Allah Azza wa Jal, ils les disent pour des femmes. Et vice versa. Certains tombent dans le haram à un point dans l'amour où, lorsque cet homme se sépare de cette femme se suicide. Hein? Ça, c'est un amour qui est muharram, bilashak. Et certains tombent même dans le shirk akbar. Certains aiment, comme les soufis, leurs mashaykh au point où ils respectent plus ce shirk que Allah Azza wa Jalla. S'il ment, tu lui dis, jure par Allah. Il dit, Wallah. Tu lui dis, jure par ton shirk. Et bégaye, il ne peut pas. Parce qu'il immensifie plus Mashaykh, Turuq, Al-Sufiyya, Al-Dalla, Al-Mushrika, que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il faut faire attention à tout cela. Et certaines personnes tombent dans du muharram, dans l'amour, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. En obéissant à la créature, dans ce qui amène la désobéissance du Créateur, par amour. Ou bien en écrivant, dans les poèmes, tu trouves des paroles, il y a du haram, et même du shirk. Voilà pour l'introduction sur Al-Mahabbah. Concernant l'explication du verset, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Et parmi les hommes, wa minan nasi minal mushrikin, man yattakhidhu min dunillahi andada. Andada jam'u nid wa huwa an-nadhir wash-shabih wal-mathil. Yuhibbunahum ka hubbillah, ay yuhibbuna alihatihim, yuhibbuna ma'budatihim كمحبتهم لله فيحبون الله حبا شديدا ولكن يسوون بين الحب لمعبوداتهم والحب لله هذا الشرك الأكبر في المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله لماذا؟ لأن محبتهم خالصة لله عز وجل هذا هو التفسير الأول وهو الصحيح Donc, parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les associateurs, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Il y a deux tafsirs, deux explications à ce verset. En les aimant comme on aime Allah, c'est-à-dire que les associateurs aiment leur fausse divinité, tout comme ils aiment Allah. Ils aiment leur fausse divinité. Tout comme ils aiment Allah, ils sont donc tombés dans le polythéisme majeur dans l'amour. يُحِبُّونَ مَعْبُودَاتِمْ كَمَا يُحِبُّونَ اللَّهِ Puis Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا Quant à ceux qui ont eu la foi, أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ Ils aiment Allah d'un amour plus fort, plus ardent. C'est-à-dire que les gens du Tawhid ont aimé Allah Azza wa Jal d'un amour plus pur, plus fort, plus ardent que les gens du polythéisme ont aimé leur fausse divinité. Et ont aimé Allah. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui peut répondre? Car les monothéistes, leur amour est exclusivement pour Allah. Alors que les associateurs ont divisé l'amour. Ils ont donné une part à Allah, puis ils ont réparti cela aux fausses divinités, entre les fausses divinités. Donc, Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous enseigne que les associateurs ont aimé Allah d'un amour fort, mais ils ont aimé leur fausse divinité d'un amour semblable. Puis il nous dit que les croyants, quant à eux, ont un amour qui est plus ardent. Ils aiment Allah plus que les associateurs. Pourquoi? Car leur amour est pur. Ça, c'est le premier tafsir et c'est le plus en conformité avec les textes. D'autres parmi les savants ont dit que le sens du verset est « يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » أي « يُحِبُّونَ » Andadahu kamahabbatil mu'minina lillah. Le deuxième tafsir est de dire que les associateurs aiment Allah, aiment leur divinité d'un amour semblable à l'amour des croyants, à l'amour que les croyants portent à Allah. Est-ce que vous avez compris? Le deuxième sens est de dire que les associateurs aiment leur fausse divinité d'un amour semblable à l'amour que les croyants portent à Allah. Et pour expliquer la suite, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ Ils ont dit, أَيْ مِنْ مَحَبَّةِ الْمُشْرِكِينَ لِأَنْدَادِهِمْ Pour la suite, ils ont dit que, quant à ceux qui ont cru, leur amour est plus ardent, c'est-à-dire que l'amour des associateurs pour leur fausse divinité. Donc le bon sens, et celui qu'il faudra retenir, est que les associateurs ont aimé Allah et ont aimé leur fausse divinité d'un niveau égal. Puis Allah Azza wa Jal nous enseigne que les croyants, les gens du Tawhid, leur amour à eux est plus fort et plus ardent. Pourquoi? Car leur amour est pur. Car leur amour est pur. Et la preuve de cela est qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Allah, تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Dans Surat al-Shu'ara, les poètes Allah Azza wa Jal nous citent la parole des associateurs. La finalité. Ils diront par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous des égaux du Seigneur des mondes. Donc on comprend qu'ils ont aimé et adoré Allah Azza wa Jal, mais ils lui ont donné des égaux. Donc ils aimaient Allah Azza wa Jal, mais ils ont aimé autre que lui, tout comme ils l'ont aimé. فيذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين في الدنيا وما آلهم في الآخرة من العذاب حيث يساوون بالله في المحبة والتعظيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال الموحدين المخلصين لدين أنهم أخلصوا المحبة لله عز وجل كما يفعلون ذلك بسائر أنواع العبادات في سائر أنواع العبادات. Donc dans ce verset Allah عز وجل nous cite l'état des associateurs dans ce bas monde et le châtiment qui les attend dans l'au-delà du fait qu'ils ont donné des égaux à Allah Azza wa Jal dans l'amour et la considération. Puis Allah Azza wa Jal nous cite l'état des monothéistes, des croyants. Ces derniers, eux, ont unifié Allah Azza wa Jal dans l'amour, adoration, tout comme ils le font pour l'ensemble des adorations. Munasabatul ayati lil bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre? لأن فيها تحريم تحريم محبة الإنسان غير الله كمحبة الله. Car on y voit l'interdiction d'aimer autre qu'Allah, tout comme on aime Allah. وأن هذا شرك أكبر. Et que cela entre dans le polythéisme majeur. ما يستفاد من الآية أن من أحب مع الله فقد أشرك. On tire de ce verset l'interdiction d'aimer avec Allah. Une chose, et que celui qui tombe dans cela sera tombé dans le polythéisme majeur. Est-ce qu'après ce cours, je devrais recevoir des papiers disant, mais est-ce qu'on a le droit d'aimer ses enfants? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on a le droit d'aimer ses épouses? Est-ce qu'on a le droit d'aimer tel pays? Le manger, le foot, le... Non. Pourquoi est-ce qu'on ne devra pas recevoir ces questions? Parce que c'est des amours différents. Parce que le mahabba t'inqasim. Mais tu verras, Sofiane, que malgré ça, il y aura des questions sur cela. Bittajruba. Je ne suis pas un kahin, un devin, mais par expérience. Et si je me trompe, alhamdulillah. Na'am. On tire également de ce verset. Anna al-mushrikin ahabbullah hubban shadidan wa anna dhalika. لم ينفعهم لوجود الشرك وأن محبة الله لا تنفع إلا بالإخلاص. On tire également de ce verset que les associateurs ont aimé Allah d'un amour ardent, mais que cela ne leur a pas été profitable de par la présence du polythéisme dans leur amour, et que l'amour qui est profitable est l'amour qui est donné ou bien dans lequel Allah Azza wa Jal a l'exclusivité. هذا الذي ينفع. Ça c'est profitable. C'est une des meilleures adorations. Puis l'auteur nous cite un deuxième verset. وقوله قل إن كان آباؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله الآية. L'auteur رحمه الله تعالى nous cite un second verset. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et certes, Allah ne guide pas les gens pervers. هذه الآية آية محنة. Ce verset est un verset dans lequel il y a un test et une épreuve. Tout comme le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez le message d'Allah. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. هذه الآية نزلت في المسلمين الذين لم يهاجروا حين أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة لم يهاجروا وتعذروا بهذه الأمور المذكورة في الآية الآباء الأولاد الأموال المسكن وهكذا. Ce verset fut révélé sur les croyants qui n'ont pas émigré après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal révéla alors ce verset. Il dit: si vos pères, vos enfants, vos frères vos épouses وعشيرتكم العشيرة هم الأقرباء c'est-à-dire tes proches, ton clan مأخوذ من العشرة وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي فوات وقت نفاقها ومساكن أي المنزل ترضونها أي تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا هذا تهديد هذا للتهديد أي انتظروا انتظروا العقاب. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui ont fait devancer l'amour de ces choses citées dans le verset à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadhi al-aya amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yatawa'ada man ahabba hadhi al-asnaf وآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك فعل ما أوجب الله تعالى. Dans ce verset, Allah تبارك وتعالى ordonne à son messager de menacer et d'avertir ceux qui ont fait devancer l'amour de ces choses citées dans le verset, ces choses de ce bas monde ou une partie de ces choses, à l'amour d'Allah et de son message, au point d'avoir délaissé des choses qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées. Car celui qui ne fait pas devancer les ordres d'Allah sur ce qu'il aime n'aura pas aimé Allah tabaraka wa ta'ala d'un amour véridique et complet. Puis Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les avertir d'un châtiment. مناسبة الآية للباب وجوب محبة الله تعالى وتقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Car on y voit l'obligation d'aimer Allah et plus encore de faire devancer l'amour d'Allah et de ce qu'Allah aime parmi les gens et les actions sur toute autre chose. Donc dans ce verset, on voit que nous avons l'obligation d'aimer Allah et de faire et de préférer l'amour d'Allah et de ce qu'Allah a aimé comme personne et action sur ce que nous aimons. Donc on conditionne dans l'amour véridique l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. نستفيد من الآية parmi ce qu'on peut tirer de ce verset وجوب محبة الله ومحبة ما يحبه الله. On tire de ce verset l'obligation d'aimer Allah et d'aimer ce qu'Allah aime. وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة ليست محبة مع الله بل محبة في الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حبه ولأن الله أمر بذلك. On tire également de ce verset l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour n'est pas un amour avec Allah, c'est un amour en Allah. Car Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous a ordonné de l'aimer. Et nous a ordonné de l'aimer. Donc le seul qui a de notre part l'amour, adoration, c'est Allah. Mais on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas d'un amour, adoration. Mais on l'aime pour plusieurs choses. Parmi ces raisons, le fait qu'Allah nous ait ordonné. Nous est ordonné cet amour. تقريب محبة غير الله على محبة الله أو تقديم محبة غير الله على ما أحبه الله كبيرة من كبائر الذنوب. On tire de ce verset que d'aimer autre qu'Allah et de préférer cela à ce qu'Allah nous a ordonné est un grand péché. Est un grand péché. D'où est-ce que les savants ont tiré cela dans le verset? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que c'est un grand péché? Que c'est un grand péché? Indamen. Car il y a la menace d'un châtiment. Fatarabbas. Et entre dans la définition du grand péché, tout ce dans quoi il y a une menace dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Barakallahu fik. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité des hadiths. An Anas radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wal nasi ajma'in akhraja. D'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tout le reste de l'humanité, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. La yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil. Aucun d'entre vous ne sera croyant, c'est-à-dire aucun d'entre vous n'aura la foi complète, ne sera véritablement croyant. Hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa qaddama al-walad على الوالد لأن تعلق قلب الوالد أشد غالبا من تعلق قلبه بالوالدين. Donc, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que ses propres enfants, ses parents. Et il est le reste de l'humanité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié la foi pour ceux qui n'aimeront pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leurs enfants, leurs parents et le reste des gens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de foi? Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? Non. Ce qui est rejeté ici, c'est kamal ul iman. C'est la perfection de la foi obligatoire. Est-ce que c'est compris? On voit que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par les enfants. Tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants. Puis que ses parents. Puis que l'ensemble des gens. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par les enfants avant les parents? Alors que la place des parents dans l'islam est plus grande que la place des enfants. Car en général, l'attachement qu'a l'homme est plus fort pour l'enfant que son père. L'homme est plus attaché à son enfant qu'à son père. Lorsque l'homme a un enfant, son cœur est plus rattaché, devient plus rattaché à l'enfant qu'à son père. Ça en général. Wa walidi. Et que ses parents, ça englobe les parents, les grands-parents, ça englobe la mère, le père, grand-père, grand-mère, et ainsi de suite. Wannas ajma'in. Et l'ensemble des gens. L'ensemble des gens comprend ta propre personne. Dire que tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes enfants, plus que tes parents, plus que l'ensemble des gens. Est-ce que toi tu rentres dans l'ensemble des gens ou pas? Oui, tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne. D'accord? On tire ça d'où? De la fin. Wannas ajma'in wa anta minan nas. On tire également cela du hadith de Omar radiallahu anhu, lorsque Omar ibn Khattab a dit Wallahi ya Rasulallah, wa ya Wallahi ya Rasulallah, la anta ahabbu an-nas ilay illa min nafsi. Qala la ya Omar. حتى كنا أحب إليك حتى من نفسي قال والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر أي كمل إيمانك عمر بن الخطاب a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam والله ô messager d'Allah tu es celui que j'aime le plus je t'aime plus que l'ensemble des gens excepté ma propre personne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non ô Omar tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne c'est à dire tu n'auras pas la foi complète. Alors Omar ibn Khattab lui a dit Wallahi, désormais, je t'aime plus que moi-même. Il lui a dit maintenant. C'est-à-dire maintenant, tu as atteint la perfection du iman, de la foi. Yukhbir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna ahadan lan yu'min al-iman al-kamil hatta tablugha madha la afwan. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته وبيستحق دخول الجنة حتى يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe qu'aucun d'entre nous n'atteindra la perfection de la foi tant qu'il n'aura pas préféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Et tant qu'il n'atteint pas ce niveau, il sera reprochable. Il sera reprochable. Munasabatul hadith lil bab, wujub taqdim mahabbati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ala mahabbati al-makhluqin. L'auteur a cité ce chapitre. Afwan, l'auteur a cité ce hadith, sous ce chapitre, car on y voit l'obligation de préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des créatures. Quelqu'un pourrait se dire, pourquoi est-ce que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures? Et pourquoi nous devons et nous avons l'obligation de l'aimer plus que l'ensemble des créatures? Nuhibbuhu lianna Allah habba. Nous l'aimons car Allah azza wa jalla aimé. Wa nuhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam lianna Allah amarana bi hubbihi. Car Allah azza wa jalla nous a ordonné de l'aimer. Wa nuhibbuhu liannahu akmalul khalqi khalqan wa khuluqa. Wa lahu ash-shama'il al-'azima. Wa huwa قد بلغ الكمال أي كمال الإنسان. Nous l'aimons également car c'est la créature la plus parfaite dans sa création et dans son comportement sallallahu alayhi wa sallam. Il a atteint la perfection humaine. نحبه لأنه أعبد الناس لربه وَقَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَ. Nous l'aimons car c'est la créature qui a le mieux adoré Allah Azza wa Jal et qui a transmis le message. نُحِبُّهُ صلى الله عليه وسلم لَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيْنَا إِحْسَانًا عَظِيمًا. أنقذنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الجهل ومن الجهالة إلى العلم. Nous l'aimons car il a été bienfaisant envers nous comme personne parmi les créatures ne l'a été avant lui et ne le sera après lui. Par lui, Allah Azza wa Jal nous a sauvés des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la science, du shirk vers le tawhid, de la mécréance vers l'islam. Par lui, Allah Azza wa Jal nous a fait connaître le chemin de son agrément, les actions qu'il aime, et nous a montré comment entrer au paradis et avoir son agrément. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah dans ce verset nous dit: Allah vous a certes fait don d'une grande grâce lorsqu'il envoya parmi vous un messager issu d'entre vous, ou bien un messager issu d'entre vous qui vous récite ces signes, tous ces versets, vous purifie, vous enseigne le livre, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup d'autres causes encore qui font que nous devons aimer et préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naturellement, la personne aime ce qui est parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint la perfection humaine dans la da'wah, dans le comportement, dans ses caractéristiques physiques et comportementales. Est-ce qu'il y a des signes par lesquels on reconnaît celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car en effet, l'amour est une chose qu'il y a dans le cœur. Mais est-ce qu'elle se répercute sur la langue et dans les membres? Na'am. Min alamati sidqi mahabbatika lirrasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les signes de la véracité de ton amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ta'atuh wa ittiba'uh, le fait que tu lui obéisses, le fait que tu le suives, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ash-shawqu li ru'yatihi wa l'ijtima'i bih, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands signes, le fait d'espérer le voir et le rencontrer, qu'il te manque, que tu aimerais, ou bien tu dois aimer fi dunya, du fait que tu n'as pas pu le voir fi dunya, le voir yawm al-qiyam, et être avec lui yawm al-qiyam, et être avec lui fil jannah. Ça, c'est un signe de ton amour. Ça, c'est un signe de ton amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, inda muslim, si mes souvenirs sont bons, min ashaddi an-nasi hubban li qawmun ma ra'awni waddu law ra'awni bi ahlihim wa amwalihim sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi ceux qui m'aiment le plus, il y a des gens qui ne m'ont pas vu. Ils auraient aimé me voir contre leur famille et leur argent. Ils auraient donné leur famille et leur argent pour me voir. Ça, c'est un signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'espérer le voir. Parmi les signes, hirsuka ala nashri sunnati wa athari wa ta'lim an-nas dhalik. Parmi les signes de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de déployer tes efforts dans la propagation de sa sunna et d'enseigner aux gens la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son hadith. وبغض البدع وأهلها, et le fait de détester l'innovation et les gens de l'innovation. التسليم التام لحكمه وشرعه, le fait de se soumettre complètement et totalement à son jugement et sa législation. C'est-à-dire ce avec quoi il nous est venu de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa tark al-mu'arada bi qawli fulan ou shaykhik ou madhhab ou aada ou taqlid. Et le fait de ne pas contredire sa sunna par les habitudes, ou bien ton shir, ou bien ta raison, ou bien un madhhab, ou autre chose. Parmi les grands signes, desquels beaucoup sont distraits, c'est une chose très facile. Al-ikthar min as-salati ala ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le fait de beaucoup prier sur lui, c'est-à-dire de dire sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allahumma salli alayhi, ou bien Allahumma salli wa sallim alayhi, ou bien Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Celle-ci est la meilleure formulation. Ça, c'est un signe de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu pries beaucoup sur lui. Et plus particulièrement lorsque tu entends parler de lui. Dès que tu entends son nom ou tu entends parler de lui, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les assises de Ahl Sunnah sont les assises dans lesquelles tu entends le plus sallallahu alayhi wa sallam. Car notre religion, nous, on l'enseigne aux gens selon ce que nous a transmis qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu fais une adoration, tu la fais comme qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans une assise de Ahl Sunnah, tu entends beaucoup le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal récompense avec largesse celui qui a ce comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah Azza wa Jal prie sur lui 10 fois. Prie sur lui 10 fois. Et inshallah, cela fera un bon sujet pour une khutbah. As'alullah at-tawfiq wal-i'ana. ومن احب شيئا اكثر من ذكره. Et celui qui aime une chose, il en parle souvent, sahih? Dans les assises de célibataires, tu entends beaucoup parler de quoi? Quand il parle pas d'ilm. Hein? Qui est célibataire, élève la main. T'es marié, Adam? Pourquoi tu lèves pas la main? Allah aslihuk. Naam, qui est célibataire, levez la main. Taïb. Anta, dans les assises de célibataires, tu parles beaucoup de quoi? De femmes. Allah, même dans les assises de certains mariés. Un jour, un frère a proposé à des frères le mariage. Il y a une femme, pieuse, kaza ou kaza, cherche à se marier. Il n'y avait que des frères mariés. Il leur a dit, si vous connaissez un frère pieux qui veut se marier, Amada, vous m'informez de cela. Ils ont tous levé la main, ils ont dit, nous tous, nous cherchons à nous marier. Et nous sommes tous célibataires 3 fois. Non. Mais bon, vous savez qu'en France, c'est pas permis, paraît-il. Non. Taïb. Mais en France, c'est permis d'avoir des maîtresses. Ajaïb. Yani yaznoun, ils trompent leur femme, ça c'est adi. Ta'addu haram. Ajaïb. لطيفة ذكرت ماذا في بعض شروحات كتاب التوحيد كابن عثيمين رحمه الله تعالى وكتبتها من الشيخ صالح السندي حفظه الله تعالى. Donc une information, une belle faïda, une information subtile, très profitable. Quelqu'un pourrait dire, nous sommes dans quel chapitre? Si on avait donné un autre titre à ce chapitre, ça serait quoi? L'amour d'Allah, mahabbatullah. D'accord? Ce hadith parle de l'amour de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahih? Alors pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce hadith sous ce chapitre qui traite de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pas directement de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Savons citer deux choses sur cela. Qu'est-ce qu'il trouve? La réponse. Celui qui trouve la réponse, si Allah Azza wa Jalla me garde en vie, je ferai deux appelés en soujoud dans le maghrib. Et je vais allonger le soujoud. Non? Pardon? Le frère a dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment aimer Allah. Tafadhal Adam. Parle plus fort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran que celui qui aime Allah doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature qui a le mieux aimé Allah. Non. Car nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. Pour l'instant, c'est la meilleure réponse. Endamen. Non. Pour aimer Allah comme il se doit, il faut aimer tout ce qu'Allah aime et détester ce qu'il déteste. Kalamun Jamil. Excellente parole. Quand t'aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah t'aimes Allah Azza wa Jalla. Quand t'aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'aimes pour Allah. Et c'est une preuve que t'aimes Allah. Taïb. Les deux réponses. Donc la première, on la trouve dans vos propos. لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله جل وعلا. Car l'amour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم découle de l'amour d'Allah. Pourquoi t'as aimé le prophète صلى الله عليه وسلم? Car c'est رسول الله, car t'as aimé Allah. D'accord? La deuxième réponse. إذا كان مما يجب على المؤمن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ولده ووالده والناس أجمعين من الأزواج والأموال والبيوت والناس أجمعين فكيف بمحبة الله؟ La deuxième réponse, encore plus subtile. Les savants ont dit, si il incombe à travers ce hadith, s'il incombe aux croyants d'aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que ses propres enfants, ses propres parents, donc ses propres enfants qui sont son sang, ses propres parents qui sont la cause de sa vie, de sa venue au monde, de l'ensemble des gens, sa famille, femme, argent, maison, et ainsi de suite. Que dire alors de l'amour d'Allah, le créateur de tout? Créateur du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est compris? Donc si le croyant doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures, que dire de l'amour qu'il doit avoir pour Allah azza wa jalla, qui est le créateur du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Mafoum? Retenez ça. من فوائد الحديث وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق On tire de ce hadith l'obligation d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'aimer plus que toutes les créatures. Al-a'malu min al-iman. On tire de ce hadith que les actions font partie intégrante de la foi. Les actions font partie du iman. عند أهل السنة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. Chez les gens de la sunna, ceux qui ont fondé leur foi sur les textes, Coran, la sunna, la manière dont on compris cela les pieux prédécesseurs, ils disent que la foi, donc nous disons que la foi est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur et des actions avec les membres. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance d'Allah. Elle diminue avec les péchés. Donc de ce hadith, on tire que les actions font partie de la foi. D'accord ? Quelle est la preuve de cela dans le hadith ? Quelle est la preuve de cela dans le hadith ? لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى الإيمان. لمن لم يتصف بعمل ما هو محبة الله. Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la personne n'aura pas la foi tant qu'elle n'aura pas une action. Quelle est cette action? L'amour, une action du cœur. On comprend que l'amour entre dans la foi. Est-ce que c'est wadih? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: La yu'minu ahadukum hatta. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aura pas telle chose. Donc cette chose, forcément, fait partie de quoi? De la foi. Il a cité quoi? La mahabba, l'amour, qui est une action du cœur. لأن المحبة من أعمال القلوب وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. On tire également de ce hadith que l'iman al-sadiq labudda fihi min zuhur al-a'mal. On tire également de ce hadith que l'amour véridique, que pour qu'on ait une foi véridique plutôt, il faut des actions. Celui qui dit je suis croyant, il n'agit pas, il ne jeûne pas, il ne prie pas, et ainsi de suite. Tu lui enseignes, tu lui montres, et il reste comme cela, il aura annulé son iman qu'il a eu par sa parole, que nous avons su par sa parole. Donc celui qui n'a pas d'amal, laisse abi mu'min. C'est impossible de trouver quelqu'un qui est mu'min et qui n'a pas d'action. Pas possible. Voyez. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala a cité comme fa'ida: يجب على, on tire de ce hadith, يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذل ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بل فائدة كنوسيت ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Parmi les obligations qui incombent à l'homme, le fait de secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dépenser pour cela tout ce qu'il peut concernant sa personne, faire tous les efforts concernant sa personne, son argent et tout ce qu'il peut, d'accord, pour secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela fait partie de la perfection de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dépense de son argent pour la sunna, pour acheter des livres, pour se déplacer, pour assister aux cours, pour s'inscrire à des cours, pour apprendre, pour le dîn, pour la secours de la sunna, pour imprimer des livres, et ainsi de suite, celui-ci a manifesté un signe de la perfection de son amour, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On tire de ce hadith la permission d'aimer des choses, d'un amour naturel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ahabba, il a cité un superlatif. Donc, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. On tire de cela donc que tu peux aimer tes enfants, tes parents et les gens. Donc des choses de la dunya, mais que cela ne doit pas atteindre le niveau de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجوب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره هذا من لوازم محبته. L'obligation de faire devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de tout autre que lui, cela découle de son amour. Par exemple, tu fais une action, tu dis une chose. Ensuite, on vient te voir et on te dit ce que tu as dit ou ce que tu as fait est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et a fait telle chose. Soit tu maintiens tes positions, donc tu contredis la sunna, soit tu te corriges. Celui qui maintient ses positions n'aura pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le fallait, car il aura fait devancer sa parole, la parole de son shir, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit astaghfirullah, je délaisse ma parole, je délaisse la parole de mon shir et je reviens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été exposée par tel autre shir. Est-ce que vous avez compris? Car si toi tu restes sur tes positions, ça veut dire que tu auras fait devancer ta parole, la parole d'un tel ou un tel, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu auras préféré telle personne et telle parole à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceux qui, lorsque tu leur apportes la sunna, disent « Oui, mais nos ancêtres faisaient comme ça. Oui, mais tel, un tel a fait comme ça. Oui, mais dans telle mosquée, ils font comme ça. Oui, mais... » Sahih. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum, sont al-khulafa al-rashidun. Sont les califes bien guidés, les maires de la communauté. Pourtant, Ibn Abbas, lorsqu'il a décrit la meilleure façon de faire le hajj, il a dit c'est tamattu'. D'accord? La façon de faire le hajj, en commençant par l'umra, puis tu t'enlèves de l'état d'ihram, puis tu te remets en état d'ihram. Naam. Alors qu'Abou Bakr Omar ne disait pas cela. Ibn Abbas est resté sur ses positions car c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors que le prophète sallam n'a pas fait cela, du fait qu'il avait sa bête avec lui. Quoi qu'il en soit, Ibn Abbas est resté sur cette position alors que les meilleurs des compagnons ont disait autrement. Abu Bakr et Omar, subhanallah. Pas que Abu Bakr, pas que Omar, les deux avaient cet avis. Ibn Abbas, du fait qu'il a su la vérité en conformité avec les textes, il a refusé de prendre l'avis de quelqu'un. Et lorsque des gens sont partis voir Abdullah ibn Omar et ils lui ont dit tu dis ça et tu dis ça et tu as fait telle et telle fatwa alors que Omar ne dit pas la même chose que toi, qu'est-ce qu'il a répondu aux gens? La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que la parole de Omar, son père. Khalifatul muslimin al-faru al-mubashar bil-jannah. Que dire alors au jour d'aujourd'hui ceux qui disent oui mais mon père, oui mais kada, oui mais mon shir, oui mais kada? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayk, hadha huwa al-mafroud min waladik wa waladi min walidik wa walidi wa nasi ajma'in. On doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos enfants, plus que nos parents. Tu dois aimer le prophète sallam plus que tes enfants, plus que tes parents. Wa. Et cela va se manifester dans tes paroles et dans tes actions. Parmi les plus grands signes, délaisser les péchés. قال الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Poète a dit, tu prétends aimer la divinité, tu prétends aimer Allah alors que tu lui désobéis. Ceci ne va pas avec l'analogie saine. Si tu l'avais aimé d'un amour véridique, tu lui aurais obéi. Car certes, celui qui aime est envers son bien-aimé obéissant. Donc c'est ce qu'il faudra retenir. Et une des plus grandes causes pour délaisser le péché, augmenter ton amour pour Allah Azza wa Jal. Et parmi les plus grandes causes pour augmenter ton amour pour Allah Azza wa Jal, méditer sur ses bienfaits. Méditer sur ses bienfaits. Et rappelez-moi de développer ce point-là au prochain cours. Les causes pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفار وتب علينا إنك أنت التواب اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك